Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 20e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Les enfants, installez-vous vite que nous puissions écouter la suite des échanges entre Marie-Gertrude et Léon et Auguste. Souvenez-vous, les garçons venaient d'interroger la druidesse sur son emploi du temps du jour de la disparition. Et voilà où nous en étions. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce que vous faisiez le matin de l'affaire dans la chambre du Père Noël? Je vois. Eh oui. Très bien, messieurs. Je vais tout vous expliquer. S'il vous plaît. Et tâchez de n'oublier aucun détail. Prenez votre temps, nous ne sommes pas pressés. Bon, comme vous le savez, le Père Noël distribue chaque année des jouets aux enfants du monde entier. Mais qui offre des cadeaux au Père Noël? Personne? Faux! Moi, sa sœur adorée! Seulement, cette année, je n'avais pas vraiment d'idée. Et comme je devais partir à Brocéliande, je devais trouver une solution de toute urgence. Je savais qu'à mon retour, il ne resterait plus qu'une poignée de jours pour tomber sur le cadeau idéal pour lui. Vous l'ignorez peut-être, mais mon frère est un passionné de lecture et notamment de bande dessinée. Il en a des tonnes et des tonnes. J'ai donc voulu consulter sa collection afin de savoir quel tome lui manquait afin de lui offrir le 25 décembre. Voilà, vous savez tout. Et donc, vous avez décidé, plutôt que d'en informer Gédéon et de passer tranquillement par la porte de la chambre, de faire cela en cachette et d'enfourcher votre balai pour passer par la fenêtre. Ah oui, carrément, on en est là. La sorcière de Noël, quoi. Le balai. Il ne me manque plus que le nez crochu et la grosse verrue sur la joue, en quelque sorte. Je vois que ma réputation m'a précédée et que vous n'avez pas résisté à l'envie de croire ces sordides rumeurs. Marie-Gertrude, veuillez excuser la maladresse de mon frère. Nous sommes nouveaux ici et nous avons recueilli tellement d'informations, il ne pensait pas à mal. Oh oui, veuillez m'excuser, c'était extrêmement déplacé. Veuillez accepter mes excuses. Excuses acceptées. Ne vous mettez donc pas la rate au courbouillon. Déjà parce que ça ne doit pas être très agréable. Et qu'en plus, ça ne doit même pas être très bon. Si vous voulez tout savoir, je n'en ai pas informé Gédéon pour la simple et bonne raison qu'il est totalement incapable de tenir sa langue et qu'il n'aurait pas su garder le secret. J'ai vu la fenêtre ouverte en quittant mes cours, il n'y avait personne aux alentours, c'était le moment idéal. Mais oui, tiens, comment savez-vous que je suis entrée par la fenêtre puisqu'il n'y avait personne dehors? J'en aurais mis ma main coupée. Eh bien si, Marie-Gertrude, quelqu'un vous a bien vu. Mais vous imaginez que nous ne pouvons pas vous dire de qui il s'agit. Oui, bien évidemment. Je poursuis? Je vous en prie, pensez à nous décrire la pièce telle que vous vous en souvenez ce jour-là, s'il vous plaît. Très bien. J'ai donc pu l'éviter jusqu'à la fenêtre. Je me suis introduite dans la pièce pendant la sieste de mon frère. Il y avait un tas de papiers près de lui sur le lit et pas mal de choses étalées également sur son bureau. Oh, et un gros beignet avec un glaçage à la vanille. Je m'en souviens bien car je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en le voyant. Mon frère a toujours été un incorrigible gourmand et ce dessert est son plat préféré depuis son plus jeune âge. Je m'étonne de le voir capable de manger chaque jour la même pâtisserie. Enfin bref, il y avait donc ce gâteau au milieu du bureau, tout près de son bonnet et de ses gants. Pour le reste, je ne saurais vous dire, je n'ai rien remarqué de spécial. J'ai commencé à observer les livres dans la bibliothèque, et lorsqu'à un moment j'ai soulevé une des nombreuses bandes dessinées, j'ai cru soudain voir une drôle de petite bête poilue, peut-être un rat. Je n'en ai bien évidemment pas peur, mais là, la vitesse avec laquelle l'animal s'est déplacé m'a surprise. J'en ai lâché la bande dessinée tout en poussant un petit cri. Mon frère a fait un drôle de bruit à ce moment-là dans son sommeil et il s'est retourné. J'ai craint d'être sur le point de le réveiller, alors j'ai vite reposé le livre où il était et je suis repartie aussi vite que possible par la fenêtre de nouveau. Et vous n'avez rien pris? Non, messieurs, je n'ai rien pris. Et surtout pas la liste, si c'est ce que vous voulez savoir. Et quelle heure était-il lorsque vous êtes sortis? Oh, je n'ai pas regardé le cadran solaire précisément à ce moment-là, mais je dirais qu'il devait être entre 11h et 11h20 à peu près. D'accord, Merci Marie-Gertrude, merci pour toutes ces précisions. Est-ce que vous prévoyez de partir de nouveau dans les jours à venir ? Non, absolument pas. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez d'autres questions, je reste à votre entière disposition. Nous n'hésiterons pas, faites-nous confiance. Bonne journée. Bonne journée, messieurs. Léon et Auguste quittèrent la druidesse, enchantés par cet entretien. Tout ce qu'elle avait dit concordait avec leurs conclusions précédentes ainsi qu'avec les autres témoignages. Elle avait bien profité de la fenêtre laissée ouverte par Hector après son passage dans la chambre. En outre, il affirmait n'avoir pas touché la liste, et Marie-Gertrude venait de confirmer qu'elle l'avait vraisemblablement vue sur le lit près du Père Noël endormi. Enfin, ce qu'elle pense avoir identifié comme un rat devait être, se disaient alors les deux enquêteurs, ce lit, qui se précipitait pour déguster le beignet sur le bureau. Tout était parfait. Il ne restait plus qu'à prouver que Marie-Gertrude avait subtilisé la liste. Comprendre pourquoi elle l'avait emportée et ce qu'elle avait bien pu en faire. Demain, dès les premières heures du jour, il prévoyait de se rendre auprès de Gédéon. Il voulait également éclaircir cette histoire de fenêtre qu'il affirme avoir vue fermée, tandis que Marie-Gertrude venait de confirmer qu'elle était ouverte. Que pouvait donc bien cacher le secrétaire ? Avez-vous une petite idée, vous les enfants ? N'hésitez pas à m'en faire part. Si vous souhaitez trouver des éléments concernant l'enquête, je vous rappelle que tout est à votre disposition sur notre site internet ainsi que sur Facebook. Rendez-vous demain pour la suite de notre aventure. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous, votre Marcel.